Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par la toute nouvelle Ascent 2019, la plus grande Subaru jamais construite. Elle a trois rangées, de la place pour 7 ou 8 personnes, 19 porte-gobelets et la sécurité légendaire d'une Subaru. Venez la découvrir chez votre concessionnaire Subaru participant. Subaru, confiance et évolution. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la création de l'Université de Moncton en 1963. Une université, c'est plus que des locaux et un équipement adéquat. Une fois installée, nous en sommes convaincus. L'université est appelée à jouer un rôle immense dans la promotion des intérêts spirituels, culturels, économiques de toute la région. Le père Clément Cormier, le fondateur et premier recteur de l'Université de Moncton, lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'Université le 23 mai 1965. Le père Cormier avait vu juste lors de son discours de 1965. Très vite, l'Université de Moncton va devenir un outil indispensable au développement économique, culturel et politique de l'Acadie. Cette université sera rapidement une source de fierté pour les francophones du Nouveau-Brunswick, en même temps qu'un formidable incubateur où vont passer à peu près tous les chefs de file de la société acadienne. Monsieur Robichaud, depuis quand êtes-vous ou étiez-vous convaincu de la nécessité d'une université française au Nouveau-Brunswick? Ben, je pense depuis toujours. Ben, il me semblait qu'il y avait un besoin pour une université chez nous qui puisse servir les intérêts des francophones, non seulement du Nouveau-Brunswick, mais de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, et puis de la Gaspésie, et puis partout jusqu'à Rimouski. Il me semblait qu'il y avait un besoin essentiel. Lorsque je voyais les petits collèges classiques qui essayaient de faire quelque chose pour les francophones, et puis peut-être qui rivalisaient aussi les uns contre les autres. Puis, je ne pouvais pas voir ça, moi. Je ne pouvais pas voir le collège Saint-Joseph, le collège de Bathurst, être des rivaux lorsqu'ils servaient tout de même une même cause. Je voulais qu'ils soient ensemble, qu'ils travaillent ensemble. Et puis, on appelle ça en anglais, un umbrella. Puis, l'umbrella, ça a été l'Université de Moncton. L'ex-premier ministre du Nouveau-Brunswick, Louis-Joseph Robichaud, au micro de Michel Pellan, l'émission Le 60, le 6 novembre 1973, année du 10e anniversaire de la fondation, de la création de l'Université de Moncton. Pour nous raconter la genèse qui va mener à la création de cette Université de Moncton en 63, je reçois Joseph-Yvon Thériault, qui est professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, lui-même diplômé de l'Université de Moncton. Joseph-Yvon Thériault, bonjour. Bonjour. Quelle importance, je vous pose la question, on l'entendait au tout début... Je disais, le père Clément Cormier, il avait vu juste, ce sera plus qu'une simple université, l'Université de Moncton. De quelle manière cette université-là va être importante en Acadie? Ah, c'est aujourd'hui, de façon, je pense, unanime, l'idée que c'est l'institution par excellence de la société acadienne, que la société acadienne, dans sa modernité, disons, elle se définit beaucoup à travers ce qu'a été l'Université de Moncton. L'Université de Moncton a structuré le champ sociétal acadien, plus, c'est-à-dire à la fois la culture, à la fois l'identité, à la fois même le champ politique. Un catalyseur, ça fait partie de l'ADN des Acadiens du Nouveau-Brunswick. Oui, oui, je pense que c'est une grande réussite. D'ailleurs, on y reviendra, mais s'il y a eu des hésitations au départ, même chez Louis Robichaud, il ne le dira pas, mais à la fin de sa carrière et plus tard, il va toujours dire que c'est l'institution dont il est le plus fier d'avoir monté durant les années 60. Ouais. Alors, dans quel contexte on décide de la créer, cette fameuse Université de Moncton? Écoutez, on est dans les années d'après-guerre, hein, après les années 50. Toutes les sociétés occidentales, c'est le baby boom. Il y a une nécessité de revoir l'éducation, et surtout l'éducation post-secondaire. C'est aussi les années d'affirmation de la francophonie canadienne, la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme. D'ailleurs, Clément Cormier est un des membres de la commission. Bon. Donc, c'est ces années-là où il y a une affirmation et c'est une vieille revendication d'une certaine façon du leadership acadien. acadiens. Ils avaient créé des journaux, ils avaient eu des paroisses, des évêchés, etc. Et donc là, ils voyaient que l'université était l'institution qu'il leur manquait. Ouais. Et donc, il y avait eu cette, toujours cette volonté. Donc, mais c'est vraiment l'idée qu'après-guerre, il fallait trouver des nouvelles diplomations pour l'ensemble d'une population grandissante. Et dans ce courant, autant il y a une révolution tranquille dans les années 60 au Québec, autant il y a une révolution tranquille, on la connaît moins, mais en Acadie, on est là-dedans. Et pour ce qui est de l'identité acadienne, il y a aussi chez vous un mouvement d'affirmation nationale et on a besoin de phares. Et ces phares-là, c'est des institutions comme une université. Oui, oui, tout à fait. On est... c'est effectivement, on peut parler à juste titre d'une révolution tranquille acadienne et qui n'est pas la remorque de la révolution tranquille québécoise, qui va ensemble. Louis Robichaud a été formé à l'école du Père Lévesque, à l'Université Laval, comme Clément Cormier, d'ailleurs. Oui. Et donc, c'est la même mouvance sur l'idée d'une modernisation sociale du Canada français. Et Louis Robichaud prend le pouvoir 2 semaines avant Jean Lesage au Québec. Et donc, tout ça fait en sorte qu'il faut moderniser. Et la société acadienne, dans les années 60, était une société particulièrement frappée par le baby-boom. Oui. Parce que c'était une société rurale, une société qui avait près de 50% de sa population était en bas de 21 ans. Là, et donc, c'était une société jeune. Les gens avaient un certain optimisme. André Laurendeau disait, on aura bientôt une deuxième province française. Oui. Parce qu'on croyait que les Acadiens, qui étaient de 17% en 1867, étaient montés en 1967 à 37%. Mais l'éducation ou les structures éducationnelles n'avaient pas suivi. Ben, voyons justement dans quel état elles sont, ces structures éducationnelles, parce que c'est vrai que c'est un sacré défi de créer une université comme celle-là en 1963. Pour nous parler un petit peu de ce qui existe en Acadie en matière d'enseignement supérieur avant la création de l'Université de Moncton, je vous propose d'écouter le journaliste Jean Hubert du journal L'Évangeline qui parle à l'époque de l'état de ce réseau d'enseignement supérieur au Nouveau-Brunswick en français à l'émission Partage du jour, le 12 octobre 1962. Le rapport de la Commission Deutsch fait souvent l'état de la pauvreté de l'enseignement par le passé en Acadie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet état? On ne peut pas séparer l'enseignement universitaire de l'enseignement public, primaire et secondaire pour en déterminer la pauvreté. Tout s'enchaîne. Si l'enseignement universitaire français est pauvre, c'est que d'abord l'enseignement primaire français est pauvre et l'enseignement secondaire français est pauvre. Cela vient que le personnel enseignant n'est pas suffisamment formé. Cela vient aussi du fait que la population de langue française n'a pas toujours eu à sa disposition les fonds nécessaires pour assurer une formation supérieure de son personnel et un personnel suffisamment formé pour enseigner à ses enfants. Vous prenez par exemple dans des comtés où le niveau des revenus individuels sont relativement bas, dans le comté de Gloucester, où on ne paie que le strict minimum au personnel enseignant, mais ce n'est pas de nature à attirer un personnel enseignant hautement qualifié pour enseigner dans les écoles de ce comté. Le personnel le mieux qualifié s'en va ailleurs. Alors, on part de loin. On le comprend bien en écoutant cet extrait, Joseph-Yvon Thériault. Au moment où elle est créée, cette Université de Moncton, en 1963, à quoi ressemble le système d'éducation supérieure au Nouveau-Brunswick? Ouais. Le journaliste Hubert a raison de dire que c'est lié à tout l'ensemble du système d'éducation du Nouveau-Brunswick. Les écoles primaires des régions du nord du Nouveau-Brunswick, où sont les Acadiens principalement, en 1960, on ne payait même plus les enseignements. Les comtés étaient à la banqueroute. Et donc, il y avait une sous-scolarisation flagrante qui plaçait presque l'Acadie dans des statistiques qui sont celles du tiers-monde à l'époque. Là. Ouais. Et il y avait au niveau de l'éducation... quand même quelque chose de l'éducation postsecondaire, quelque chose qui existait depuis la fin du 19e siècle, qui était la création de collèges classiques. Ouais. 3 collèges classiques, un dans le sud, à Memramcook, près de Moncton, le collège Saint-Joseph, et 2 dans le nord, qui étaient par les Pères du Judice, un au collège Sacré-Cœur et au collège d'Edmundston. Les 3 institutions auxquelles vont s'ajouter des collèges de filles au cours des années, surtout dans les années 40-50. Là, ouais. Donc, chacune de ces institutions question avait aussi lié les collèges de filles. Les trois institutions avaient le titre d'université parce que elles, pour octroyer des diplômes, elles devaient avoir une université. Alors que dans le reste du Canada français, dans l'Ouest par exemple, les universités étaient souvent liées à l'Université Laval. Oui. Qui était comme une extension. Et ça, c'est la spécificité des provinces maritimes. Donc, il n'y avait pas de... La seule université au Nouveau-Brunswick qui était publique était une université anglophone, qui est l'University of New Brunswick à Fredericton. Et là, on formait aussi, depuis 50 ans, des enseignants français dans une section de l'école normale de l'Université de New Brunswick. Mais donc... Et ces petits collèges étaient dépendants, donc il y avait un certain financement, mais pas beaucoup de l'État, mais ils étaient dépendants des frais de scolarité et surtout dépendants des communautés religieuses qui les faisaient vivre. Ouais. Et avec donc une difficulté de plus en plus grande face aussi à une pression de plus en plus forte d'étudiants qui arrivaient. Parce qu'on était avec une scolarisation qui commençait, l'État avait besoin de main-d'œuvre, etc. On avait créé aussi une régionalisation scolaire qui faisait qu'il commençait à avoir une diplomation. Et donc, il fallait régler le problème de l'éducation supérieure, particulièrement le problème de l'éducation francophone, même si le gouvernement libéral de Robichaud, qui était majoritairement francophone dans son ministère, faisait toujours attention de ne jamais poser la question en termes d'aide à l'Acadie ou à la francophonie. Il disait toujours, c'est une commission d'enquête sur l'éducation. Il y en aura une, d'ailleurs. Il y a donc une pression financière sur ces communautés religieuses. Ouais. Nécessité fait loi. Là. Puis il y a le mouvement. Il y a comme une nécessité, une évidence. Il faut une université. Les communautés religieuses le demandent même. C'est-à-dire, on voit bien que c'est le père Clément Cormier qui est le grand initiateur de cette université. Donc, ça va être créé à la suite d'une commission, d'ailleurs, qui va recommander carrément une université francophone. Oui. La commission Deutsch va recommander une université francophone. Quoi qu'on dit qu'au départ, la commission Deutsch a se penché sur l'idée d'une université bilingue. C'est-à-dire probablement pas des campus bilingues, mais une université provinciale qui aurait des sections francophones et des sections anglophones. Mais très tôt, la commission elle-même a rejeté cette idée-là, devant surtout les pressions des curés du Nord, des pères judices, des collèges d'Edmundston et de Bathurst, qui disaient non, on ne peut pas, nous, on a créé des institutions francophones. On y tient. On y tient, on ne va pas les perdre. Et c'était surtout à Moncton que ça se posait, cette question du bilinguisme aussi, parce que la ville de Moncton, qui est la deuxième ville importante au Nouveau-Brunswick, n'a pas d'université. Mm-hmm. Et là, on était en train de créer une université en français pour... les petits francophones de Moncton qui étaient considérés un peu comme des cheap labor, des gens qui parlent chiac, qui veut dire le français à Moncton dans les années 50 et 60 était sous-valorisé. Mais il y a quelque chose d'audacieux là-dedans. Ça veut dire qu'on va créer à Moncton une université francophone, pas bilingue, une université francophone, alors que les anglophones de Moncton n'ont pas leur université. Comment ils vont réagir, ces anglophones de Moncton? Ils vont toujours être réticents, mais on le force. On crée un campus dans le sud aussi à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, en anglais. Puis on conserve une université anglophone à Mont-Allison, qui est un collège. Mais au départ, je pense que la réaction des anglophones de Moncton est sceptique. Je veux dire, on le voit, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? On amène des gens du Nord qui sont des francophones. On le voit. Parce que ça non plus, c'était pas évident au début. Non. Pourquoi choisit-on Moncton? Les Acadiens sont plutôt dans le Nord. Oui, et ça, il y avait eu une discussion. Au départ, les gens pensaient que ça pourrait être dans le Nord, soit dans Bathurst, Caraquet, etc., où la population francophone est plus homogène, puis elle est plus concentrée. Moncton était à la frontière. C'est une ville majoritairement anglophone, à la frontière de l'Acadie puis du reste du Nouveau-Brunswick. Mais il y a dans cela un vieux rêve des nationalismes acadiens de faire de Moncton, qui est plus près du centre de l'Acadie française, qui se situait dans la baie de Fundy. Historiquement. Historiquement, on voulait... L'idée de reconquête était symbolique à Moncton. Ouais. Puis d'autre part, il y avait une idée de modernisation derrière ça, en disant, il nous faut une ville. On n'a pas de ville. Les Acadiens sont des ruraux, hein, qui vivent dans des villages de 2 ou 3 000 habitants, etc. Et la seule lieu de concentration, c'est Moncton. Et donc, c'est là qu'on avait, dans les années 50, mis les institutions acadiennes. C'est là qu'on a mis l'évêché acadienne, pas dans le Nord. C'est là qu'on a mis le journal évangéline. Ouais. L'ensemble des institutions acadiennes étaient déjà là. Et donc, c'est le pari de franciser Moncton et d'en faire une capitale culturelle. Ouais. Ce qui était audacieux, effectivement, parce que à l'époque, on le voit dans le film de l'Acadie que Brault a publié au moment des événements des années 68 à l'Université de Moncton. Cette crise-là fait en sorte que on voit bien comment la réticence de la ville de Moncton, du maire Jones à l'époque, contre la venue de cette université qui est prétentieuse. On y reviendra, mais aujourd'hui, c'est atténué beaucoup. Ça. Ouais. Ça nous amène quand même, je vous écoute, à nous poser une grande question. On fait le choix de Moncton, on décide, même si les anglophones dans cette ville n'ont pas d'université, de faire une université francophone, pas bilingue, à Moncton. Non. Ça nous amène à une grande question. Dans quelle mesure on va réussir ou pas à faire de l'Université de Moncton pour de vrai, comme on dit, une université francophone? Je vous propose d'écouter le témoignage d'un étudiant de l'Université de Moncton qui parle de tout ça à Michel Pellan à l'émission Le 60, le 6 novembre 1973. Alors, pour les étudiants qui sont ici, est-ce que ça correspond à ce que vous attendez de l'Université de Moncton, que ce soit sur le plan linguistique ou autre? Oui, à gauche? Moi, personnellement, je ne crois pas que l'université vraiment répond à mes besoins parce que moi, je viens d'une région assez française, même, je pourrais dire que c'est vraiment francophone, je viens de Caracas. Puis au point de vue du bilinguisme, je crois pas que l'université est une université française, parce que si on prend nous autres, je suis à la faculté d'administration, tous nos volumes sont en anglais, excepté peut-être deux ou trois. Puis à part de ça, tous nos travaux, si on veut les faire en anglais, on peut les faire en anglais, ça dépend de nous autres. Ça fait que quand vous avez des gens de la ville de Moncton qui viennent à l'université, qu'ils parlent aussi bien français qu'anglais, bien, ils ne feront pas leurs travaux en français, vous pouvez en être sûr. Ils vont les faire en anglais. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Ils parlent en anglais n'importe où ce qu'ils sont. Quand ils sont dans un corridor, ils parlent en anglais, puis n'importe où ce qu'ils vont aller, tu vas les entendre parler en anglais. Ça vous fait sourire, cet extrait-là, Joseph Yvon Thériault? En plus, je connais la personne qui raconte cette histoire. Mais au-delà de l'anecdote, ça pose une vraie question. Dans quelle mesure on fait ce choix-là, une université unilingue francophone? Ouais. Est-ce que c'est l'Université de Moncton, dans les premières années, en tout cas, une université unilingue francophone vraiment? Effectivement, le problème se pose parce qu'il y a des étudiants qui ont, à l'époque, même pas étudié en français, beaucoup. Et le sud du Nouveau-Brunswick, à Moncton, on parle beaucoup anglais entre soi. Mais je pense que votre locuteur l'a à tort. L'université est devenue une vraie université francophone. Marqué, c'est 73, ça, 10 ans après la création de l'université. Dans l'enjeu de ce qu'est une université francophone, Moncton a résisté. Oui. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de pression pour qu'on ouvre, face à la crise démographique ou face à tout ça, qu'on ouvre des cours en anglais, etc., pour les gens de la ville, etc. Et l'université a résisté. C'est certainement qu'il y a des manuels anglais, c'est le cas de presque toutes les universités francophones maintenant. La faculté de droit, par exemple, encore là, c'est le common law est enseigné en français. Ouais. C'est une première mondiale. Ouais. Vous évoquiez le film, le classique de Pierre Perrault et Michel Brault, L'Acadie. Ils vont être sur le campus de l'Université de Moncton au moment où, 5 ans seulement après la création de l'université, il y a ce petit tremblement de terre, crise à l'Université de Moncton. On écoute un extrait du film. Nous avons tous le même problème, et ce problème, c'est l'augmentation des frais de scolarité. C'est pourquoi nous allons marcher sur le gouvernement aujourd'hui pour nous en débarrasser. Ça fait 10 jours qu'on est en grève. Moi, je suggère. On est venu ici, puis on voulait une réponse ce soir. Puis la réponse était à savoir si les frais de scolarité seraient gelés ou non. Alors moi, je suggère qu'on reste ici jusqu'à ce qu'on ait la réponse définitive, puis que Louis Robichaud, là, qu'il se couche pas avant qu'il nous ait donné la réponse. Puis moi, je vais rester. Extrait du film L'Acadie, réalisé par Pierre Perrault et Michel Brault en 1971. Que se passe-t-il donc lors de cette crise de 1968 à l'Université de Moncton, Joseph Yvon Thériault? Encore là, on est dans... à la fois dans le contexte global de mai 68 et on est en Acadie. Et en Acadie, très tôt, à l'Université de Moncton, se concentre une foule de problèmes qui ne sont pas totalement liés à l'université. Il y a d'une part les frais scolarités, mais on relie beaucoup la question des frais scolarités au sous-développement des régions acadiennes, ouais. En disant, écoutez, ces frais scolarités qui sont corrects pour les régions du sud et de l'ouest du Nouveau-Brunswick ne vont pas pour les régions des pêcheurs qui n'ont pas de revenus, etc., et que leurs enfants ne peuvent pas atteindre l'université. Donc, il y a quelque chose qui est très lié avec tout l'enjeu du développement régional de l'époque. On critique aussi le bilinguisme, hein. La tentation, on l'a vu tout à l'heure, de faire de l'université une université bilingue. Mm-hmm. Donc, on dit non et on veut franciser la ville de Moncton, etc. Donc, le film commence d'ailleurs par une grande manifestation pour le bilinguisme de la ville de Moncton vers l'hôtel de ville où le maire Jones refuse de parler français. Ouais. Et il demande aux gens, en disant, ben, vous n'êtes pas d'ici, vous, hein, vous êtes du Nord, donc pourquoi quand vous arrivez à Moncton, pourquoi vous ne parlez pas anglais, etc. Donc, on concentre et on voit une espèce aussi d'ingratitude de la jeunesse de l'époque contre son fondateur. Et c'est Robichaud qui est au pouvoir à l'époque et on dit ils vont passer vite, etc. Et donc, l'université... C'est une critique de l'élite acadienne, oui. En fait. Autant l'université contribue à former cette élite, oui. De demain, autant l'élite qui est en train de se former critique les anciens, les vieux qui vont passer vite. Oui, tout à fait. Et donc, ouais. le film démontre très bien le lien très étroit d'ailleurs, qui s'est tissé au départ entre la société acadienne, ses élites et sa jeunesse. Hein. C'est-à-dire qu'on critique son université parce qu'on voudrait que son université soit quelque chose de plus grande, de réussite, etc. Et on rejette toujours la timidité des élites acadiennes. Et ça, encore aujourd'hui. Ouais. Là, c'est-à-dire que la jeunesse acadienne a toujours cru que ses leaders avaient été trop timides. Ouais. Aujourd'hui, Joseph-Yvon Thériault, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette université-là? Qu'est-ce qu'elle nous a laissé, en fait, comme héritage? Et quels sont ces... Parce qu'il y en a, sa zone de fragilité, je dirais. Ouais, son grand héritage, hein, c'est d'avoir créé une unité du leadership en Acadie, du Nouveau-Brunswick particulièrement. Hein. C'est-à-dire que tous les leaders de la société acadienne aujourd'hui sont passés par l'Université de Moncton et ça a atténué même les régionalistes parce, ouais. Que les gens du Nord sont allés dans le Sud, etc., sont revenus dans leur région, etc. Donc, c'est considéré par eux comme une très grande réussite. Mais il y a effectivement un ensemble de préoccupations, dont la première est une préoccupation démographique. Hein. On le disait au départ, les années 60, c'est des années d'exaltation. On pense qu'il y aura 15 000 étudiants dans cette nouvelle université. Le père Clément Cormier pense que ce sera l'université de l'Est du Canada. Ouais. Il y a des réformes aussi au Québec qui se font. Et donc, l'université reste au Nouveau-Brunswick. On est à 5 000 étudiants. On ne grandit plus. Ouais. On trouve que c'est petit. L'université a de la difficulté à devenir une grande université de recherche parce qu'elle n'a pas le nombre. Et donc, elle se tourne vers la francophonie. Mais la grande difficulté, c'est effectivement la dimension démographique. Oui, parce que les jeunes Acadiens ne vont plus nécessairement... De plus en plus, on va ailleurs aussi, dans d'autres universités. Ça. Oui, ouais. c'est un fait de la réussite acadienne par ascension sociale. Les enfants des jeunes qui sont allés à l'Université de Moncton puis qui ont accès à l'école secondaire envoient leurs enfants au Québec ou, ouais. À l'Université d'Ottawa. Joseph-Yvon Thériault, professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, merci infiniment de votre participation à l'émission. D'accord, merci. Au revoir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.